Pour célébrer le 7e congrès du Parti Travail de Corée, les provinces du Pyongan du Sud et du Nord, du Fangé du Nord et du Gangwon ont organisé chacune un rassemblement le 16 courant. Y étaient présents les cadres des organismes locaux du parti, du pouvoir et de l'économie, des organisations des travailleurs, usines, entreprises, fermes et grandes écoles, les travailleurs jeunes et étudiants. Les orateurs ont qualifié le 7e congrès du parti de rendez-vous de la victoire et de la gloire, marquant un nouveau tournant faisant date dans la lutte pour le renforcement continu de notre parti et l'achèvement de la cause révolutionnaire du Tse, en portant haut la bannière de la transformation de toute la société par le kimilsonisme kimjongisme. Et de souligner l'élection du camarade Kim Jong-un au poste de président du Parti Travail de Corée lors du 7e congrès du parti est l'expression de la noble fidélité et de la confiance absolue des militaires et civils coréens envers lui. C'est aussi un événement heureux et révolutionnaire garantissant la prospérité éternelle de notre patrie et de notre nation. Étroitement unis autour du maréchal Kim Jong-un, nous œuvrerons énergiquement pour parachever la cause révolutionnaire du Tse sous le drapeau du grand kimilsonisme kimjongisme. Ensuite, il y a eu les défilés.